Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio aux coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, à l'ère de la surveillance numérique, une série d'Antoine Tricot réalisée par Rafik Zénine. Au départ de cette série, il y a le confinement qui nous a contraints au virtuel, les grandes oreilles de nos ordinateurs, les méchants GAFA et notre capacité à s'indigner qu'on scrute nos données tout en nous roulant dans les réseaux sociaux. Alors pour commencer, les personnages. Une Marseillaise qui cartographie, un responsable sécurité, un start-upper de la surveillance, un bénévole aux aguets, un sociologue qui remonte la source, une autre qui décode et un militant qui proteste. Ensuite, le décor, des caméras de surveillance, Roubaix, un PC sécurité, des flagrants délits, une gare, des pixels, des algorithmes, des bagages abandonnés, une station de métro, un centre commercial, une manifestation et une loi. Aujourd'hui, troisième épisode, introspection. Je suis Antoine Tricot et vous écoutez la série documentaire « À l'ère de la surveillance numérique ». Et c'est réalisé par Rafik Zénine. Je passe ma vie sur Internet. J'utilise mon smartphone et mon ordinateur plusieurs heures par jour, pour mon travail de journaliste mais aussi pour mes loisirs. Et cela ne s'est pas arrangé depuis l'épidémie de Covid-19. En remontant la piste de mes données numériques, j'ai pris conscience qu'elles étaient largement collectées par des entreprises privées. De nombreux États ont acquis la possibilité d'intercepter également les traces que laisse mon activité sur mon ordinateur et sur mon smartphone. Mais une question me trotte dans la tête depuis le premier épisode de cette série. Est-ce que des données numériques sont récoltées sur moi, même lorsque je n'utilise pas mon portable ou mon ordinateur? Pour tout vous dire, c'est une question que je me pose depuis que je suis tombé sur le site internet de la Quadrature du Net. Cette association de défense des libertés a lancé en 2019 une campagne baptisée Technopolis. Elle met en garde contre les utilisations des données numériques et de l'intelligence artificielle dans les projets de développement urbain. Ces militants décrivent une ville intelligente, bourrée de caméras de surveillance et de capteurs collectant tout un tas de données sur ceux qui y vivent dans le but affiché d'améliorer la sécurité. C'est ce que plusieurs entreprises appellent la « safe city », la ville sûre. Mais pour les militants de l'association, il s'agit plutôt d'une surveillance de tous les instants, qu'ils jugent toujours plus intrusive. Le portrait est sombre. J'ai donc décidé d'aller observer avec eux ces dispositifs de surveillance pour comprendre ce qui leur fait si peur. Épisode 3, dans les allées de la Safe City. La promenade commence à Marseille avec Eda. Elle est informaticienne et militante de la Quadrature du Net. Elle a pris le parti, dès 2019, de cartographier les caméras de surveillance que la ville a déployées de manière intense ces dernières années. Eda, où est-ce que nous sommes ? Alors, nous sommes ici à la place Bernard Cadenas, à Marseille, dans le quartier de la Belle de Mai. Donc, c'est un quartier qui a fait la une des journaux il y a quelques années, un an ou deux, parce que, d'après des indices habituels, c'était le quartier le plus pauvre d'Europe. Donc je ne sais pas ce qu'il en est, je n'ai pas vérifié les chiffres. En tout cas, c'est un des quartiers les plus pauvres de Marseille. Et nous sommes là parce que, aussi, ces dernières années, ont été installées des caméras de surveillance. Oui, en fait, Marseille a beaucoup de caméras de surveillance. On peut en voir, donc la place est rectangulaire. On peut en voir une à peu près dans chaque coin, même en milieu... du rectangle et on va s'approcher. Donc c'est un quartier où juste avant Noël de l'année dernière, donc Noël 2019, il y a eu une installation très massive de caméras de surveillance flambant neuves dans tout le quartier. Donc on en voit une juste en face de nous. C'est ce qu'on appelle une caméra de type dôme, c'est-à-dire qu'elle est ronde. Donc déjà ce n'est pas du tout les caméras qu'on s'imagine en général maintenant dans nos villes. Donc les caméras qui sont cylindriques et qui pointent vers un endroit précis, c'est plus du tout comme ça maintenant. Maintenant c'est des dômes, elles sont rondes, elles ont une vision à 360 degrés. Et donc voilà, elle tient sur un pylône au bout du trottoir, donc elle peut voir le carrefour et tout ce qu'il y a autour. Eda, comment vous les avez remarquées, ces caméras de surveillance ? Eh bien, au début, je ne les voyais pas du tout, un peu comme la plupart des gens. En fait, ça ressemble à des lampadaires, comme c'est rond, et ça porte pas forcément un panneau d'avertissement. On peut s'approcher peut-être pour voir le panneau, ce qui est marqué dessus. Ces panneaux-là sont pas toujours présents. Pourtant, c'est une obligation. Hein. Il faut qu'il y ait un panneau qui indique à la population qu'ils sont filmés et qu'ils ont un droit d'accès à ces images-là. Que ces images-là, elles ne peuvent être gardées quelque part que pendant une durée limitée. Donc voilà, le panneau, il est là pour rappeler ça. Donc voilà, zone placée sous vidéo-verbalisation. Donc il y a deux panneaux. Et ensuite, le deuxième panneau, parce que c'est deux choses différentes, vidéoprotection, espace public. Donc au départ, je savais pas que c'était ça, les caméras de surveillance de la ville. Je ne le savais pas, mais quand la Quadrature du Net a lancé la campagne Technopolis, j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Je n'étais pas encore membre à l'époque de la Quadrature du Net, bien que les sujets m'intéressaient, je les suivais depuis de nombreuses années. Et en fait, j'ai commencé tout simplement par lever les yeux au ciel pour voir un petit peu où elles sont déjà. Par exemple, au tout début, je me rappelle que je m'amusais à me dire, si je vais d'un point A à un point B, je prenais exprès des trajets que je faisais de façon quotidienne, est-ce que je peux passer inaperçu, par exemple ? Et en fait, on se rend compte, à Marseille en tout cas, qui n'est pas la ville la plus vidéosurveillée de France, il y en a d'autres qui en ont plus, je me suis rendu compte qu'en fait, ben, c'était presque impossible. Enfin, il n'y avait aucun trajet possible où je pouvais ne pas être repérée par ces caméras-là. Et du coup, la question naturelle que je me suis posée, c'est, dans ma ville, je suis donc surveillée en permanence. Quel est déjà le but de cette surveillance ? C'est pour quoi faire ? Bonjour. Est-ce que c'est pour me servir ? Est-ce que c'est pour nous servir, nous tous ? Est-ce qu'il y a une législation là-dessus qui me défend si jamais il y a des abus, si jamais un gouvernement, une mairie plus tard vient et utilise cette puissance qui est la puissance de la vidéosurveillance qu'on a bien vu en Chine, par exemple. Qu'est-ce qui me défend contre ces dérives sécuritaires ? Il s'est posé aussi la question pour moi et pour d'autres aussi de la réappropriation de l'espace de la ville. À quel point on peut se sentir psychologiquement libre de faire des choses dans nos rues avec ces caméras-là, qui sont potentiellement, ça on l'a appris après petit à petit en creusant, dotées d'un système d'intelligence, d'algorithmes intelligents, ils appellent ça la vidéosurveillance intelligente, nous on appelle ça la vidéosurveillance automatique, qui permet en fait de déclencher des alertes en cas d'événements qui sont considérés comme anormaux. Donc la question à ce moment-là c'était, mais quels sont les comportements anormaux ? Comment est-ce que je suis normale ? Comment est-ce que je dois être normale dans ma ville ? Qu'est-ce que je dois ou je ne dois faire, pas faire ? Et selon quelle loi ou quelle... Qui a décidé ? Qu'est-ce qui était considéré comme normal ou pas ? En suivant Eda dans les rues de Marseille, sous le regard des caméras de la ville, je comprends mieux les inquiétudes des membres de la Quadrature du Net. Et je comprends aussi que le cœur de ce débat se joue aujourd'hui autour de la question de la vidéosurveillance et de son traitement algorithmique. Spontanément, je me demande qui se trouve de l'autre côté des caméras. Est-ce que quelqu'un m'observe lorsque je passe dans leur faisceau ? Et à quoi servent les algorithmes qui les contrôlent ? Ces questions en tête, je me suis rendu à Roubaix pour rencontrer Christian Belpère. Il a passé 36 ans dans la police nationale, dont une partie comme chef de la sûreté urbaine dans cette même ville du Nord. En 2019, il a décidé de sortir du rang pour prendre la tête de la police municipale de Roubaix et donc du tout nouveau CSU, le centre de supervision urbaine. Quatrième étage. Ouverture. Donc ici, l'étage, c'est le quatrième étage, c'est l'étage de direction. On a voulu que le CSU soit en prise directe en dessous de la direction pour pouvoir exercer un contrôle administratif et réglementaire sur l'espace, qui est un espace très, très réglementé et où l'accès ne peut pas se faire comme ça. Et on vient d'ailleurs de de recompléter la réglementation avec une réglementation interne pour bien cadrer les agents, pour pas qu'il puisse y avoir de doutes sur le respect des règles. Voilà. Donc, comme vous le voyez, on accède effectivement au CSU par une porte sécurisée avec un contrôle d'accès qui permet à chaque agent d'être tracé. Alors, cette carte magnétique autorise ou pas l'accès ? Il y a 1700 collaborateurs au sein de la ville. Il n'y a pas 1700 collaborateurs qui peuvent passer ici. Seuls les agents qui ont l'agrément de la commission de vidéo départementale peuvent y accéder. C'est nominatif. Et il serait impossible de pouvoir y rentrer. Un employé des espaces urbains ne peut pas rentrer ici. Donc on rentre par un badgeage ou si on n'a pas cette carte, par exemple les services de police qui sont des partenaires réguliers qui viennent tous les jours ici, sonnent à l'interphone, sont obligés de s'identifier avant de pouvoir rentrer dans l'espace qui est l'espace réglementé. Ouais, confirmez-moi le numéro sur la rue de Croix-Montferré, c'est bien le stand. Donc là, pour décrire un peu, on a effectivement des opérateurs devant de chacun trois écrans d'ordinateur, et puis derrière encore ces grands écrans. Et qu'est-ce qu'on voit sur ces écrans ? Alors, c'est en fait les points sensibles de la ville. Alors, nous avons bien sûr les grands axes de passage pour contrôler la circulation et pour vérifier effectivement qu'il n'y ait pas d'accident de circulation, qu'il n'y ait pas d'encombrement. Hein, c'est un des objectifs. Mais après, vous avez tous les points sensibles qui nous sont signalés, qui peuvent être des points de deal ou des points de dégradation, des points de dépôt d'ordures aussi. Christian Valper, comment ça fonctionne pour repérer un acte délictueux grâce aux caméras de surveillance ? Je ne sais pas si on peut s'approcher d'un poste ou pas. Est-ce que c'est problématique ? Alors, vous avez ici un de nos spécialistes du flagrant délit, hein, notre camarade Slimane, qui est vraiment, je pense, un des plus anciens opérateurs ici du centre de supervision, mais quelqu'un aussi qui est hyper capé sur la recherche de flagrant délit. Donc, la surveillance, vous voyez ici, il a trois écrans. Sur trois écrans, il y a à chaque fois quatre caméras, enfin... Ici, c'est divisé un peu différemment, mais il y a quatre caméras, donc qui superposent et supervisent surtout quatre artères ou quatre lieux de la voie publique. Donc 3 x 4, 12. Donc on voit bien, c'est une maîtrise de 12 caméras en temps réel et ils regardent effectivement ce qui se passe sur la voie publique. Alors il se trouve que, par exemple, vous prenez sur le centre-ville, on sait qu'on a des individus qui sont particulièrement actifs dans le vol à la roulotte. Comme n'importe quel patrouilleur d'un véhicule de police, quand il les détecte, ces individus-là peuvent être pris en charge. Ça a été le cas hier. Deux individus ont été détectés comme s'intéressant des véhicules de stationnement. Ils ont tout de suite été repérés par le collaborateur qui, connaissant effectivement leur activité, au bout de 10 minutes, ils étaient interpellés parce qu'ils avaient ouvert un véhicule. Un vol à la roulotte, c'est justement d'aller voler dans un véhicule des objets qui s'y trouvent. Oui, donc c'est des individus qui, effectivement, vont faire de l'itinérance à l'intérieur d'un périmètre, d'un quartier, d'une artère, pour vérifier que les véhicules sont ouverts ou qu'il y a des objets de valeur à l'intérieur, ce qui a été le cas hier. Hein, les individus se sont intéressés à plusieurs véhicules pour, à un moment donné, se rendre compte que dans un véhicule utilitaire, il y avait une sacoche qui avait été laissée par son propriétaire. Ils ont forcé le véhicule, ils ont pris la sacoche. Et ils ont tenté de prendre la fuite. Alors, je vois que l'opérateur en question a un petit joystick, assez ludique d'ailleurs, et j'imagine que c'est ce qui permet de contrôler les différentes caméras. Oui, alors ce joystick permet effectivement de pouvoir zoomer, de partir de très très loin pour pouvoir faire un focus sur une plaque d'immatriculation, sur un véhicule. On va dire qu'on a une visibilité qui va à peu près à 600 mètres hein, sur un terrain dégagé, donc avec un très très bon niveau de pixelisation. Donc ce sont des outils très très très très performants. Et il n'y a pas que les vidéos elles-mêmes, c'est ça aussi qui fait l'intérêt de ce CSU, c'est qu'il y a une couche d'algorithme derrière qui permet de traiter les images. On a une couche d'algorithme par un système, on a un support qui vient de chez Genetech et un logiciel qui s'appelle Briefcam. Hein. Alors l'intérêt c'est pouvoir éventuellement de zoner un endroit. Et par exemple, alors vous prenez une artère, vous savez que la nuit vous avez des vols, vous allez la zoner et ça va vous permettre, si une personne approche cette zone dans un temps donné, de pouvoir envoyer une alerte au centre de supervision urbain et de faire un focus aux caméras sur la personne qui serait là et qui pourrait éventuellement commettre un délit. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ce type de produit permet, par exemple, dans une grande foule, on peut imaginer 1000 personnes lors d'un concert, on nous annonce un enfant perdu, on va être capable de faire un replay rappeler en arrière, de faire disparaître tous les adultes pour voir où était cet enfant et surtout la direction qu'il a pris. On voit bien l'intérêt, tant sur le plan opérationnel que sur la rapidité. Ça évite d'attendre qu'un chien arrive sur le lieu, avec ce que ça peut avoir d'aléatoire comme découverte et de pistage. Là, on est certain que l'enfant était présent, on est certain que l'enfant a pris telle direction. Ça permet d'orienter rapidement nos patrouilles et surtout de retrouver la personne disparue. Aux côtés de Christian Belpère et de son équipe, je commence à percevoir que la surveillance vidéo a fait un bond technologique ces dernières années. William Eldin est chef d'entreprise. Il dirige la start-up 22, spécialisée en vision par ordinateur. Il nous accueille dans ses locaux à Suresnes. Des fenêtres de ses bureaux, on voit une bonne partie de l'est de la région parisienne. Les tours modernes du quartier de la Défense en particulier, et au loin, la tour Eiffel. Je lui demande comment fonctionne un algorithme permettant par exemple de repérer de manière automatique un bagage abandonné dans une gare. Alors, l'intelligence artificielle en vision par ordinateur, c'est trois étapes essentielles. La première étape, justement, c'est tout ce qui est composer la base de données. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'apprentissage de l'algorithme. Et ensuite, la troisième étape, c'est l'intégration à un système existant, donc dans la gare. Comment on fait pour apprendre, admettons, un stylo? Il faut des dizaines et des dizaines de photos. Alors, le mieux, c'est même des milliers de photos de stylos qui permettent en fait de simuler toutes les photos différentes dans des luminosités différentes, avec des angles différents, avec des profondeurs de champ différentes, ce qui vont permettre de donner de la variabilité dans la base de données. Parce que nous, êtres humains, on voit une fois un stylo, on le reconnaît tout le temps et partout. Alors qu'une intelligence artificielle, c'est de l'analyse de pixels et de couleurs. Donc il faut qu'on apprenne les formes de pixels et les formes de couleurs que peut représenter un stylo de notre vision à nous. Ensuite, une fois qu'on a une bonne base de données avec plein de photos de stylos qui représentent à peu près toute la complexité de ce monde qu'on connaît, là, on va pousser un algorithme à apprendre ces données. Mais alors, quand un algorithme apprend ces données, il apprend pixel par pixel dans la hiérarchie de l'image et en fait, en apprenant des formes, et il en ressort de ça une formule mathématique qui, elle, sera embarquée dans un logiciel derrière une caméra, et quand dans ce flux vidéo, la caméra va regarder ces images, va les analyser dans son algorithme, et s'il y a corrélation entre des pixels qui se ressemblent et des couleurs qui se ressemblent et quelque chose que le réseau de neurones avait appris avant, alors si corrélation, plus de, j'en sais rien, on définit les seuils, mais plus de 80%, alors c'est un bagage. Parce que l'algo dira, j'en ai appris 7000 des bagages et je te jure que ça ressemble à 98% à un bagage. Donc voilà comment marche l'intelligence artificielle et voilà comment on peut détecter quelque chose. Il faut forcément l'avoir appris avant et avec un grand nombre de données. Alors, c'est pas le tout de reconnaître un bagage. Si on veut lui dire « reconnais un bagage abandonné », c'est encore une difficulté supplémentaire. Alors là vient l'ingénierie logicielle. C'est-à-dire que reconnaître un bagage, c'est un algorithme, un réseau de neurones. Reconnaître un humain, c'est la même chose, c'est un réseau de neurones. Et encore, je simplifie là quand je parle. Et ensuite, on a un tracker. Le tracker qui va traquer l'objet, image sur image, et même l'objet pouvant se déplacer sur l'image, on continuera à le suivre. Et ensuite, il y a toutes les règles logicielles qui viennent au-dessus. C'est-à-dire, si détection humain, et si détection bagage, et si tracking humain et bagage restent ensemble, et que d'un coup, il y en a un qui va plus loin que l'autre, au bout d'un certain temps et d'une certaine distance, c'est ce qu'on dit à l'algorithme ça, tu viens à déclencher. C'est-à-dire qu'on expliquera à l'algorithme qu'est-ce que c'est qu'un bagage abandonné pour le spécialiste qui les détecte toute la journée. Et le spécialiste qui les détecte toute la journée, il dit que sous le panneau des départs où sont affichés les trains, il y a 90% de bagages abandonnés ici. Donc, vous mettez là et vous regardez vraiment dès qu'il y a quelqu'un qui se sépare de plus de 5 mètres et de plus de 2 secondes. Et là, on viendra sonner. Par contre, il dit, devant le quai numéro 3, il n'y a jamais eu un bagage abandonné. Donc là, on va mettre aussi l'algorithme, mais on va être beaucoup plus tolérant. Les gens ont le droit de s'écarter, d'aller chercher dans la machine Selecta, des madeleines le matin avant de partir, etc. Et donc, du coup, c'est vraiment l'interprétation logicielle, après, qui fait la boîte à outils de l'intelligence artificielle. William Eldin, est-ce qu'il y a, donc là on voit bien l'intérêt pour les bagages abandonnés, est-ce qu'il y a d'autres utilisations possibles dans une ville de ce type de dispositif? Dans une ville et ailleurs en fait, et partout. C'est ça qui est magique, c'est que la seule limite au cas d'utilisation finaux type le bagage abandonné, type la détection de dépôts sauvages dans une ville, type la détection de quelqu'un en pleine nuit dans une rue qui permettent d'allumer les lumières et de les éteindre à 90%, donc de l'écologie, la détection d'une ambulance à un feu rouge pour le faire passer au vert. Enfin, il y a des milliers de cas d'utilisation et la seule limite est notre imagination, car la vision chez l'être humain est le capteur principal pour analyser le monde extérieur et évoluer dans ce monde extérieur. Donc, à chaque fois qu'on arrivera à faire des algorithmes et à reproduire un peu des schémas de pensée de l'être humain, on arrivera à trouver un cas d'utilisation parce que ça se calque vraiment sur comment nous, on a instruit nos réflexes et comment on comprend ce monde. Il y a donc beaucoup d'usages possibles de la vidéosurveillance intelligente. Mais si William Eldin voit les aspects positifs de ces avancées technologiques, les membres de la Quadrature du Net dénoncent quant à eux le flou qui les entoure pour le grand public. Il y a bien quelques articles qui sortent de temps en temps dans les journaux. Parfois, un appel d'offres laisse entrevoir le projet d'une commune ou d'une entreprise. Mais il faut bien reconnaître que ces dispositifs sont rarement connus des habitants des villes. Ainsi, je n'étais pas au courant que la station de métro et de RER Châtelet-Léal à Paris était un lieu où la Régie autonome des transports publics parisiens, la RATP, expérimentait des dispositifs de surveillance intelligents. Je passe pourtant très souvent dans ce lieu, comme un grand nombre d'habitants de la région parisienne. Cette fois-ci, j'y accompagne un autre membre de la Quadrature du Net, le juriste Martin Drago. Et à ses côtés, j'ai commencé à compter les caméras que nous croisions en rentrant dans le centre commercial surplombant la station. Ouais, déjà on a 4 caméras à l'entrée du centre commercial. Pour voir que c'est un entremêlement de caméras publiques et caméras privées. Là par exemple, on peut se demander qui filme. Est-ce que c'est la RATP qui est semi-public? Est-ce que c'est la préfecture de police? Est-ce que c'est le centre commercial et j'imagine une société mixte privée-publique qui dirige le centre commercial? Du coup déjà on a plein de problèmes de liberté publique en ce sens que qui peut regarder les images? Qui peut avoir accès aux images? Qu'est-ce qui est fait de ces images? Est-ce que si c'est juste pour la protection du centre commercial, est-ce que les images elles peuvent être retransmises en direct à des centres de commandement de la préfecture? Rien qu'en arrivant là-dedans, en fait, on se demande en fait qui nous surveille déjà, et on ne sait pas très bien. Sachant que normalement chaque caméra doit être indiquée, on doit savoir en fait qui a la caméra, qui peut regarder, et surtout on doit voir là il y a une caméra, là en ce moment vous êtes surveillé. Or les 4 caméras qu'on a vues, elles n'étaient pas très indiquées, je sais pas pour toi. Et puis là il y en a alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Ouais, il y en a vraiment. Il y a autant de caméras que de lumière quasiment au plafond. Vraiment à chaque palier, là on est au 3e sous-sol, on a encore 1, 2, 3. Là un truc pas identifié, je ne sais même pas ce que c'est. Mais... On va rentrer dans la station de RER de Châtelet-Léal. Et en entrant dans la station, on a à nouveau de nouvelles caméras. 360 au niveau des distributeurs de billets. 1, 2, 3. 3 à l'entrée. Plus une au niveau des billets. Bon là, on est dans le hall de Châtelet-Léal. C'est hyper intéressant de savoir que c'est un lieu de test de vidéosurveillance dite automatisée ou intelligente. En gros, aujourd'hui, le discours un peu général de la sécurité, c'est que la vidéosurveillance, on en a mis beaucoup de caméras et on en a même mis trop, ce qui fait que les humains en fait ne suffisent plus pour regarder tous les écrans et toutes les images qui leur sont transférées. Et que du coup, maintenant, en fait, il faut des algorithmes qui les aident à regarder ce qui est important. Et même le discours, c'est qu'en fait, aujourd'hui, c'est si on ne nous donne pas cette vidéosurveillance automatisée, la vidéosurveillance normale, elle ne suffit pas, elle ne sert à rien, en fait. Donc c'est un peu l'étape obligée. En fait, Châtelet et toutes les stations de métro, mais surtout celle-là, parce qu'il y a un passage énorme, en fait, c'est un lieu rêvé pour tester tous ces algorithmes de détection. Donc ça va être colis abandonné, mouvement brusque, mouvement de foule, quelqu'un qui se met à courir, le maraudage... RATP avec Île-de-France ont créé un truc qui s'appelle le Lab Intelligence Artificielle qui a été financé à hauteur de 1,2 million en 2019 pour tester ces algorithmes sans trop en fait, que le public soit au courant. On ne sait pas si c'est des personnes volontaires qui sont testées ou si c'est nous tous et toutes quand on se balade dans le métro. Mais n'empêche que, bah, en fait, on est à Châtelet-Les-Halles, dans un lieu de test de nouveaux types de surveillance de l'espace public. En sachant qu'il y a, ne serait-ce que sur la ligne de RER A à côté de laquelle on se trouve, 30 millions de personnes qui passent dans cette gare tous les ans. Exactement. Et donc, je ne sais pas si on prend un test assez qui a fait pas mal de bruit l'année dernière, c'était la détection des masques. Donc en fait, la RATP voulait détecter le nombre de personnes en gros qui portaient des masques. Donc pendant, normalement, l'expérimentation va durer trois mois. Ils l'ont testé pendant quelques semaines, donc sur tout le monde, hein, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, la CNIL, c'est-à-dire l'autorité de protection de la vie privée, a dit qu'en fait c'était illégal, un, parce qu'on ne pouvait pas refuser que son image soit traitée, mais aussi parce que ça instiguait un sentiment de surveillance, ça banalisait la surveillance. Mais n'empêche que ça a été testé sur nous tous et toutes pendant plusieurs semaines. Un truc totalement illégal, quoi. Et donc là, on est à côté des quais du RER A et on a à nouveau deux caméras d'hommes donc qui peuvent filmer à 360. J'en vois une autre derrière nous, donc trois de plus ici. Et encore une, quatre, cinq. La réflexion qui vient tout de suite, hein, franchement, c'est assez fou. C'est de se dire que là, je sais pas, en 10 minutes de marche, on a déjà vu une bonne trentaine de caméras, quoi. Et que tout ça, on n'a toujours pas d'études nationales, hein, sur l'efficacité ou l'intérêt de la vidéosurveillance. C'est hyper important de comprendre. On a des trucs assez officiels, hein. On a un rapport de la Cour des comptes de cette année, là, 2020, qui dit, attendez, on est en train de mettre énormément d'argent, parce que tout ça, ça coûte énormément d'argent à installer, mais aussi en fait, à gérer, hein. Il faut remplacer les caméras, il faut voir si elles marchent, il faut les mettre à jour, etc. Et la Cour des comptes dit, en fait, on n'a toujours pas d'études nationales pour savoir si oui ou non c'est utile à la police ou à la surveillance. Alors les policiers vont vous dire en pratique que oui, ça leur est vachement utile, mais en fait, il n'y a quand même pas de chiffres un peu concrets pour savoir pourquoi et est-ce que ça vaut le coup de dépenser tant d'argent à installer des caméras. Pour votre sécurité, merci de vous éloigner de la bordure du quai et d'attendre votre train derrière... Christian Blépert, on a accès à combien de caméras à partir d'ici ? Actuellement, on a de façon opérationnelle 158 caméras qui sont à disposition sur la ville de Roubaix. Et ça couvre toute la ville ou des quartiers en particulier ? Non, la ville n'est pas encore toute couverte par les 158 caméras. Dans l'engagement de campagne du maire qui a été élu, Guillaume Delbar, nous aurons en fin de cette mandature 400 caméras implantées sur la ville. J'imagine que ça coûte beaucoup d'argent, à la fois le CSU, à la fois ce déploiement de caméras. Oui. Est-ce que vous avez une idée du total de l'investissement nécessaire ? Non, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros, hein, c'est évident. Et après, il y a le coût en personnel, il faut avoir un personnel formé, donc un personnel compétent. Après, je pense pas que l'usager qui a pris goût à la protection de sa ville par des vidéos ait envie de faire marche arrière. Je crois plutôt que la demande, elle est croissante. Une caméra n'est pas une baguette magique, elle ne fait pas disparaître la délinquance, c'est complètement illusoire et ce serait mensonger de dire ça. La vidéoprotection dissuade, c'est une évidence, on le voit avec des points de trafic qui changent de lieu ou disparaissent des fois, on se demande un peu. Donc à partir du moment où on a commencé à implanter des caméras et à verbaliser notamment sur les dépôts de détritus, je peux vous garantir qu'il y a des endroits où ça a complètement disparu du jour au lendemain parce que les additions ont été salées. Donc c'est relativement assez efficace. Ce qu'on constate, c'est énormément de flagrants délits faits à partir des caméras. On a environ par semaine 2, 3, 4 flagrants délits qui sont réalisés par nos opérateurs à partir du CSU. Et sans le CSU, ce serait impossible. Et on a environ entre 1 et 3 réquisitions judiciaires, douanières par jour qui nous sollicitent pour demander des éléments concernant des enquêtes en cours. On étudie la faisabilité de mettre une couche supplémentaire qu'on appelle un hyperviseur. Cet hyperviseur a l'avantage de pouvoir interconnecter d'autres systèmes, notamment le contrôle de flux et gestion d'énergie de bâtiments publics, l'ouverture à distance, ça peut être l'ouverture de bornes sur un secteur piétonnier. Est-ce que c'est bien utile pour le moment ? Ça le sera certainement demain. On a une vision assez smart city de la ville qui est directement maintenant liée à la sécurité. La smart city, en français la ville intelligente, est une expression née dans le milieu du marketing au début du XXIe siècle. Sous ce nom, des entreprises proposent à des villes des solutions technologiques pour résoudre les problèmes liés par exemple à l'environnement, au tri des déchets, au stationnement ou bien encore à la multiplication des livraisons. De la même manière, la Safe City propose de multiplier les dispositifs technologiques pour améliorer la sécurité des villes. Le but est de traiter, grâce à l'intelligence artificielle, de très grandes masses de données collectées par différents capteurs dont les caméras de surveillance peuvent faire partie. Ainsi, des tâches peuvent être accélérées ou rationalisées, voire automatisées. La Smart City et la Safe City peuvent donc participer à une gestion plus efficace des villes. Félix Tréguer est membre fondateur de la Quadrature du Net. Il est sociologue et il a publié il y a peu un livre très argumenté intitulé « L'utopie déchue, une contre-histoire d'Internet ». Selon lui, la philosophie qui entoure la ville intelligente et technologique puise ses racines dans une histoire beaucoup plus ancienne. Mais du coup, la Smart City, elle me semble être au croisement en fait, de deux lignes historiques, à la fois l'approche sécuritaire du gouvernement des villes, et par exemple, on peut avoir en tête les travaux du baron Haussmann dans le Paris des années 1860, où, sous couvert aussi d'une modernisation des villes, d'un renforcement de leur attractivité, de politiques hygiénistes aussi, qui étaient déjà en place à l'époque, qui visaient à rendre la vie urbaine plus saine. Il y avait aussi des impératifs sécuritaires, et notamment la nécessité de pouvoir mater facilement des insurrections ouvrières dans les faubourgs ouvriers du centre-ville parisien. D'où la percée des grands boulevards qui devaient permettre d'acheminer au plus vite les troupes au cœur de la capitale. Ça n'empêchera pas, 10 ans plus tard, une insurrection telle que la Commune de Paris, mais ce qui se surajoute en fait à cette vieille histoire de la sécurité en lien avec l'aménagement des villes, c'est l'informatisation et l'idée, le projet d'un gouvernement informatisé. Et ce projet-là, on peut le faire remonter aux années 60, en fait, à l'arrivée de l'informatique et à la manière dont d'emblée on la conçoit, on l'appréhende comme une technologie de gouvernement. C'est par exemple Valéry Giscard d'Estaing, alors qu'il est encore que ministre, en 1968, explique que grâce à l'ordinateur, on va pouvoir prendre des décisions plus rapidement, analyser automatiquement tout un tas de données qui seraient très compliquées à un humain, aussi énarque et brillant soit-il, de traiter. Et donc, par exemple, il donne cet exemple-là à l'époque. On pourrait soumettre à un ordinateur le fait de savoir si oui ou non il faut accepter l'entrée du Royaume-Uni dans le marché commun européen à l'époque. Quelques années plus tard, il y a un projet assez connu, assez emblématique de cette idée d'un gouvernement informatisé. C'est le projet CyberSyn dans le Chili socialiste de Salvador Allende, où un cybernéticien britannique va travailler avec le gouvernement socialiste d'Allende pour mettre en place une salle de commandement reliée au grand centre de production économique. Et grâce à un réseau informatique, tout un tas de données en fait sur la production nationale sont acheminées et il y a cette maquette en fait assez saisissante de ce centre de commandement où des écrans permettent au gouvernement chilien de visualiser ces données économiques pour prendre des décisions les plus pertinentes possibles. Et donc la Smart City, c'est vraiment la rencontre en fait de ce projet d'un gouvernement informatisé et cette idée que la ville et la gouvernance urbaine s'organisent aussi sur le plan sécuritaire. Félix Tréguer, cette pensée de l'informatisation du gouvernement, c'est aussi la poursuite en fait simplement de cette maxime de pour bien gouverner un peuple, il faut bien le connaître. C'est pas en soi tout à fait problématique. La surveillance en fait est une activité de gouvernement normale quelque part. Elle est ancrée en fait dans un projet de gouvernement de société de masse, à partir du moment où on gouverne un territoire très grand et on n'a pas effectivement la possibilité de balayer de son regard depuis son palais le territoire dont on a la charge, il va falloir des instruments pour mesurer, connaître effectivement ce qui se trame dans la population. Pas seulement d'ailleurs la population, connaître aussi son territoire, ses ressources, le nombre de forêts, d'arbres, que sais-je. Cette mise au point en fait de la surveillance comme technique de pouvoir, elle est très présente dans les écrits des théoriciens de la raison d'État au XVIe siècle, alors que se mettent en place en fait les États modernes en Europe. Et c'est notamment dans les écrits d'un juriste comme Bodin, bien connu pour ses écrits sur la souveraineté des États, qu'on met en exergue les censeurs romains, qui étaient un corps de fonctionnaires dans la Rome antique, qui était chargé de pénétrer dans les foyers pour demander et s'enquérir en fait des occupations des familles, leurs propriétés, leurs richesses, le nombre de personnes qui vivaient dans le foyer. Et en fait, pour les théoriciens de la raison d'État comme Bodin, au XVIe siècle donc, les censeurs romains incarnent une fonction en fait qu'ils entendent moderniser et reprendre à leur compte parce que elle leur permet non seulement de connaître la population, mais aussi d'exercer une forme de contrôle préventif. C'est-à-dire que il y a l'idée que en surveillant, on va dissuader en fait la commission d'actes délictueux ou en tout cas de remise en cause de l'autorité du prince. Gouverner de manière rationnelle, ça suppose de connaître son territoire et sa population, et donc de mettre en place des mécanismes de surveillance. La statistique, le fichage des populations sont autant de techniques de pouvoir qui vont découler de ce projet fondé par les théoriciens de la raison d'État d'assurer une déchiffrabilité du monde social et du monde naturel aussi. Pour moi, en fait, les visions qu'on entend souvent sur les safe cities, Myrtille Picot, sociologue, c'est que c'est une sorte de surveillance donc unifiée, généralisée, et ça, c'est quelque chose en fait qui je pense, il y a un discours politique entendable, mais quand on regarde, en tout cas aujourd'hui, comment ça se passe, on voit que déjà tous ces dispositifs ne fonctionnent pas. Parfois, les groupes qui les utilisent ne veulent pas les utiliser. Donc, je ne sais pas, par exemple, la police municipale, on va leur dire, utilisez-les comme si. En fait, ils ne vont pas faire ça. Ils vont faire autre chose avec. Ou à part, ils vont avoir l'impression que c'est eux, finalement, qu'on contrôle plus que les personnes dans la rue. Donc, ils vont résister à l'utilisation. Donc, en fait, c'est beaucoup plus complexe, la mise en œuvre, que ce qu'on a l'impression. Et aussi, finalement, en pensant à cette surveillance très unifiée, on oublie tout un pan de la safe city, qui est ce que ça fait à la façon dont on aménage les villes, dont on vit en ville, et en fait la partie plus urbaine de ces dispositifs numériques. Plus qu'une surveillance généralisée, pour moi, ce que ça promeut aussi, cette safe city, c'est plutôt une certaine forme de comportement dans les espaces publics, et donc d'évacuer certains types de comportements des espaces publics, en fait, qui vont être considérés indésirables. Quel type de comportement ? Par exemple, on voit qu'un des grands domaines de focalisation de tous les dispositifs dits Safe City, c'est par exemple le contrôle des foules, donc des flux d'individus massifs, on va dire. Avec cette idée un peu qui vient déjà de la fin du 19e siècle, des foules qui seraient des groupes incontrôlables, etc. Et donc on voit que finalement on a une idée d'un espace public qui serait un espace circulant, où donc les personnes circulent, elles vont par exemple acheter des choses, faire des commerces, etc. Enfin, acheter leurs courses de Noël, voilà. Mais c'est pas un espace qu'on occupe en tant que groupe, dans lequel on stationne en tant que groupe. Donc par exemple les manifestations, on voit que c'est quelque chose qui est considéré comme un peu problématique pour les espaces urbains. Et donc on a tout un ensemble de dispositifs qui sont testés d'abord sur des grands événements, donc par exemple là, à venir, les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024, la Coupe du Monde ou d'autres événements comme des concerts, des matchs de foot. On va entraîner des algorithmes là-dessus pour analyser mieux, finalement, les foules. Et ensuite, ces dispositifs qui sont censés permettre de prédire les moments où une foule devient dangereuse à terme, on peut envisager de les réutiliser aussi sur des foules plus contestataires. Si vous voulez, c'est par exemple, on va avoir des calculs de densité, donc on compte le nombre de personnes qu'il y a dans un mètre carré. Et quand c'est au-dessus d'une certaine densité, on va envoyer une alerte. Donc là, on considère que l'espace public est trop chargé, par exemple, il y a trop de gens. Donc en fait, ça en revient à dire qu'il y a certaines choses qui sont normales et anormales, en fait, à partir de calculs mathématiques. Mais ça témoigne de nos normes, enfin pas des notes forcément, mais de celles des personnes qui conçoivent ces algorithmes et qui les mettent en œuvre, des normes de comment doit être utilisé l'espace public. William Eldin, qui détermine ce qui va déclencher une alerte, par exemple, sur la caméra, sur l'ordinateur d'un observateur dans un centre de supervision urbaine. Sur votre site 22 Smart City, oui, il y a aussi détection de présence suspecte. Oui. Alors, le fait qu'un ingénieur va définir, oui, ce qu'est une présence suspecte, oui, dans une ville, ça pose quand même des questions. On se dit, est-ce, oui, que ce qui est suspect, c'est pas le travail de la police de le déterminer, est-ce que c'est pas le travail de la justice, ouais. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une réflexion démocratique? Oui. C'est une très grande porte que vous ouvrez. C'est une porte où aujourd'hui il n'y a pas toutes les solutions. C'est-à-dire que, premièrement, on n'est pas entouré, à part la CNIL, qui nous définit les règles. On a une juriste en interne qu'on a décidé d'embaucher en CDI parce qu'on était perdu. C'est-à-dire qu'on a tous une éthique ici, et vous avez vu en croisant dans les bureaux la typologie de personnes très éclectiques qui sont dans l'entreprise, mais à côté de ça, on n'a pas de règles. Donc c'est notre bon sens, notre éducation et notre éthique qui prime. Ce que je peux dire, c'est que non, c'est pas l'ingénieur qui définit le profil de la personne suspecte. La personne suspecte, dans le milieu de la sécurité et depuis des années, c'est quelqu'un qui reste dans une même zone et qui bouge pas alors que tout le monde a bougé plusieurs fois. Les réseaux de neurones, c'est pas de la magie. La donnée, c'est pas de la magie. Et les règles qui sont derrière sont simplement des règles que l'homme d'aujourd'hui dicte à l'ingénieur d'aujourd'hui pour des algorithmes de demain. L'entreprise 22 a mis en place un comité d'éthique chargé d'examiner chaque contrat de l'entreprise, chaque expérimentation, chaque invention pour voir s'ils sont conformes à la charte de l'entreprise et plus généralement aux valeurs de ses employés. Ainsi, l'entreprise s'interdit de travailler pour l'armée. De mon point de vue, la définition de ce qui est un comportement normal ou non pour un individu dans l'espace public est une question éminemment politique. Et je regrette qu'elle ne soit pas plus débattue en dehors des entreprises qui conçoivent ces solutions technologiques. D'autant plus que Myrtille Picot m'a signalé une autre limite des technologies de reconnaissance faciale. Son exemple montre à quel point la technologie a tendance à reproduire nos défauts plutôt que les corriger. En 2019, deux chercheurs britanniques, Dara Murray et Peter Fussey, ont publié une étude sur l'utilisation de la reconnaissance faciale en temps réel par la police de Londres. Cette enquête sur l'utilisation de la reconnaissance faciale par la police de Londres, elle est très intéressante parce que souvent on dit certains policiers peuvent, par exemple, être racistes. Et donc, on utiliserait des algorithmes et ça viendrait corriger les biais des humains. Donc, les algorithmes, ils seraient plus neutres que les humains. Mais on se rend compte qu'en fait, les algorithmes, ils sont construits avec la façon de penser des humains qui les construisent. Donc, si ces humains qui les définissent sont eux-mêmes pris dans une société qui a une structure raciste, ces algorithmes-là reproduiront ces fonctionnements. Ils ne sont pas forcément meilleurs, parce que techniques, que les humains. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle montre que les biais, donc les façons de percevoir des policiers, peuvent être renforcées par l'utilisation de ces algorithmes. Donc, dans un cas, par exemple, il y a un groupe de jeunes hommes noirs qui se rend à un centre commercial. Ils ont un contrôle d'identité par un groupe de policiers. Et ils continuent à marcher, et plus loin, ils arrivent à un dispositif de reconnaissance faciale où, en fait, la foule est scannée pour voir si on trouve des personnes qui sont recherchées par la police. Donc, c'est un groupe de policiers, mais qui n'a rien à voir avec le premier. Et là, un des jeunes hommes dans le groupe est reconnu par ce logiciel, et donc ça indique qu'il est une des personnes recherchées. Donc, il se fait arrêter par la police, et finalement, après un contrôle d'identité, on se rend compte que ce n'est pas la bonne personne, parce que les algorithmes de reconnaissance faciale sont moins performants pour reconnaître les visages de personnes noires et aussi de femmes. Et donc, ça veut dire que ce jeune homme noir, qui n'a rien fait, en fait, de problématique dans cette matinée, il s'est fait contrôler deux fois. D'abord, à cause des représentations des humains, et ensuite à cause des représentations des humains qui sont inscrites dans la technique, dans l'algorithme, et qui font que cet algorithme, il marche moins bien sur les personnes noires, et donc on le prend à tort pour quelqu'un qui n'est pas. Et donc il est contrôlé une deuxième fois. Et on voit bien ce que ça pose en termes de potentiels problèmes de discrimination, d'inégalité raciale renforcée, et de sentiment d'injustice, à juste titre, renforcé aussi. Donc c'est pour ça que la technique, elle n'est pas forcément plus neutre, ou elle ne va pas forcément corriger les discriminations qui existent, qui sont faites par les humains. C'est pas une sorte de baguette magique. Aux États-Unis, ces biais ont été largement critiqués par les militants antiracistes du mouvement Black Lives Matter. Ce qui d'ailleurs a poussé plusieurs villes américaines, comme San Francisco et Boston, à bannir la reconnaissance faciale. Mais c'est loin d'être le cas partout. En janvier 2020, le New York Times avait d'ailleurs démontré que plus de 2200 services de police américains utilisaient le logiciel de l'entreprise Clearview AI. Celui-ci pouvait aller piocher dans les photos de Facebook présentes sur Internet pour identifier une personne. Un an auparavant, le New York Times, encore lui, révélait que la Chine utilisait largement la reconnaissance faciale pour traquer la minorité musulmane ouïghour et la déporter dans des camps de concentration. En France, un cadre juridique existe pour limiter ces dispositifs controversés. Il est pour le moment interdit d'utiliser des algorithmes pour identifier en temps réel des personnes grâce à leur visage, leur démarche ou tout autre trait biométrique les distinguant en tant qu'individus. Des réglementations que la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, est chargée de faire respecter. En 2019, la Commission a appelé à un débat qui ne soit pas limité à un examen technique de ces dispositifs, mais qui détermine dans quel cas la reconnaissance faciale peut être adaptée ou pas à notre société démocratique. Il faut savoir que les systèmes de vidéoprotection sont étanches. Je m'explique. En fait, les vidéos ici sont fibrées sur un réseau à part qui appartient à la ville. Les caméras et les serveurs ne sont pas connectés à des systèmes Internet ou à des passerelles extérieures. Donc c'est un système qui est complètement autonome. On ne peut pas imaginer dans un CSU qu'on relie par exemple ce qu'on voit actuellement là à Facebook ou à Instagram pour pouvoir avoir l'identification d'une personne. C'est impossible. C'est quelque chose qui n'existe pas, ça. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que dans le règlement interne, par exemple, du CSU, il est interdit aux agents, hormis leur téléphone professionnel, d'avoir leur téléphone portable, de pouvoir filmer, de pouvoir enregistrer, de pouvoir capter des informations. Il leur est interdit d'avoir des disques durs et de se loguer. Chaque agent du CSU a une carte individuelle qui lui permet de se loguer sur les systèmes vidéo. On sait exactement ce que chaque agent a pu faire, y compris un zoom ou une manipulation de joystick. Donc les agents sont hyper contrôlés, c'est tracé, on sait ce que chaque agent a pu regarder, on sait ce que chaque agent a pu faire comme manipulation. Il lui est impossible d'effacer des séquences. Donc vous voyez que c'est quand même une garantie pour les libertés individuelles. Vous-même qui avez pénétré dans ce CSU, vous allez devoir vous enregistrer sur un cahier, signer votre heure d'entrée dans le CSU, votre heure de sortie, une identification que je serais obligé de communiquer à la CNIL en cas de contrôle, et il me serait fait reproche si je ne le faisais pas. Félix Dreger, l'histoire de l'informatisation de la société, dont les smart cities, les safe cities sont le visage actuel, s'accompagne aussi d'une histoire de la régulation de ces pouvoirs. À partir de la fin des années 60, on dessine, on met en exergue la nécessité d'informatiser l'État pour le moderniser, le rendre plus efficace, plus rapide. C'est comme ça aussi qu'on commence à informatiser les fichiers de police dès la fin des années 60. Et déjà, en fait, dans le cadre des contestations de la technocratie, hein, associée notamment au mouvement de mai 68, on va se mettre à critiquer l'ordinateur et ce processus d'informatisation. Quelque part, l'informatique devient le symbole de ces processus déshumanisants du gouvernement bureaucratique des sociétés de masse. Et en 1974, un journaliste du Monde, Philippe Boucher, publie un article. Apparemment, il a été renseigné par un informaticien qui travaille au ministère de l'Intérieur, et il révèle donc dans cet article le projet Safari, qui est un projet d'interconnexion de différents fichiers de l'État. Alors, ça va du cadastre, d'autres fichiers des impôts, à des fichiers de police, fichiers de la sécurité sociale. Et tout ça devait être interconnecté grâce à un ordinateur dernier cri au sein du ministère de l'Intérieur. Et donc la révélation de ce projet suscite un grand scandale, et il faut se dire qu'on est encore dans une période où les élites politiques ont connu la guerre, pour certaines ont connu la résistance, et donc les questions de surveillance d'État ne sont pas prises à la légère. Et il y a un autre aspect, c'est que l'informatisation, et on est à la fin des 30 Glorieuses, hein, ce cycle de croissance économique très fort de l'après-guerre, et l'ordinateur apparaît un peu comme l'outil, l'instrument, la technologie phare d'un nouvel ordre économique, ce qu'on appelle alors la société post-industrielle, qui doit prendre le relais quelque part. Et donc l'informatisation de la société, on doit se faire. Et donc à l'aune de ce scandale, tout un tas de commissions sont lancées, et les élites politiques de l'époque et les élites réformatrices vont accepter un compromis, en fait, de dire on protège la vie privée, on crée la CNIL pour empêcher l'avènement d'une société de surveillance, empêcher une atteinte aux libertés publiques qui ne serait pas maîtrisée. Et en fait, ce compromis historique ne va pas tenir. Il ne va pas tenir 10 ans. C'est-à-dire que les progrès de la technologie, l'évolution des usages de l'informatique vont faire proliférer cette société de surveillance que la CNIL avait été créée pour empêcher. Et pire que ça, en fait, ce qui se passe, c'est que la CNIL, peu à peu, va perdre de ses pouvoirs. Alors, pas tout de suite, ça va prendre pas loin de 30 ans. Le gouvernement, dès lors qu'il adopte des mesures de surveillance par décret, doit solliciter l'avis de la CNIL. Et cet avis, jusqu'en 2004, était conforme, c'est-à-dire qu'il était obligatoire. En 2004, l'avis de la CNIL n'est plus que consultatif. Et donc le gouvernement peut décider de passer outre, ce qu'il fait très régulièrement depuis. Une fois qu'une technologie s'impose, il est difficile de revenir dessus et de la réguler a posteriori de manière efficace. Les combats de la Quadrature du Net sont donc souvent en avance sur la réalité du terrain. car pour le moment, ces dispositifs de Safe City en sont encore pour la plupart au stade expérimental. En revanche, la législation autorise de plus en plus largement le recours à ces dispositifs. C'est d'ailleurs ce qui explique la présence en décembre 2020 d'un membre de la Quadrature du Net, Benoît Piedalu, dans une manifestation contre la loi Sécurité Globale, alors en discussion à l'Assemblée nationale. Est-ce que là, la police peut savoir que moi, Antoine Tricot, je suis dans la manifestation en train de vous interviewer ? Alors, ça dépend si vous êtes déjà dans une base de données. Alors, il y a plusieurs bases de données. La seule qui est utilisée aujourd'hui par la police, c'est le TAJ, le fichier de traitement des antécédents judiciaires. Donc, vous pouvez éventuellement, même sans avoir été condamné à quoi que ce soit, être dans ce fichier TAJ. Il est très compliqué de le savoir, il est très compliqué de s'y faire enlever, mais ça, c'est une source d'information de la part, enfin, pour les forces de police, pour savoir qui vous êtes. Donc peut-être que si vous êtes passé dans le champ d'une caméra d'un policier, vous avez pu être comparé au TAJ et ils peuvent savoir que vous êtes là. Il y a d'autres bases de données, par exemple TES, dont nous craignons à la Quadrature du Net qu'il soit utilisé demain comme source de comparaison faciale, puisque c'est le fichier qui contient l'ensemble des demandeurs de carte d'identité et de passeport. Et vous avez évidemment l'obligation de fournir votre carte d'identité, voire même dans certains cas vos empreintes digitales. Et ça, numérisé, permettrait à la police d'accéder en temps réel à pratiquement l'ensemble de la population française. La question, c'est de quelle manière va être utilisée ces informations par la police demain. En fait, on ne le sait pas. Donc on a de grosses suspicions sur les usages qui vont en être faits demain. Et on peut en avoir le cœur net en allant voir le livre blanc de la sécurité intérieure qui a été publié par le ministère de l'Intérieur sur son site internet. Donc on peut aller le lire. Et il y a tout un tas de choses. On parle de reconnaissance papillaire, par exemple. Ce sont les pieds, les mains, les empreintes digitales, l'empreinte faciale, évidemment, la démarche, même la voix. La voix qui était utilisée à Saint-Étienne pour faire de l'analyse d'événements et pour lequel la CNIL, à l'époque, avait interdit son usage parce qu'il était possible d'en extraire des informations beaucoup trop personnelles, donc biométriques. Et bien, le livre blanc de la sécurité intérieure prévoit l'usage de ce type de marqueur personnel pour pouvoir reconnaître une personne dans l'espace public. Et ça, c'est extrêmement grave parce que ça permettrait aux autorités de savoir exactement qui est où, à quel moment, dit quoi, rencontre qui, fait quoi. Et ça, c'est une mainmise absolument énorme de l'État et c'est de la surveillance absolument totale sur la population. Cette promenade entre Marseille, Paris et Roubaix, dans les allées de la Safe City, m'amène à me poser des questions. Si je suis allé à la rencontre du discours militant de la Quadrature du Net, ce n'est pas anodin. L'utilisation qui est faite en Chine ou aux États-Unis de ces technologies m'interpelle, mais aussi de ce qui peut se mettre en place en France, en tant que citoyen qui tient à son intimité, mais aussi en tant que journaliste qui a parfois besoin de discrétion. En parcourant les allées de ces villes surveillées par des caméras et des algorithmes, je me demande s'il est encore possible, aujourd'hui, d'échapper à cette surveillance, qu'elle soit sur mon téléphone, sur mon ordinateur ou bien dans l'espace public. C'est ce que nous verrons dans le quatrième épisode de cette série. C'était à l'ère de la surveillance numérique. Avec Eda, Christian Belpère, William Eldin, Martin Drago, Myrtille Picot, Félix Tréguer et Benoît Piedalu. Merci à Delphine Voussen, Ariane Chan et Pascal Iltis. Prise de son Laurent Macchietti, Martin Troadec et Valérie Lavalard. Mixage Éric Boisset. Réalisation Rafik Zenine. Coordination Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier. Un documentaire d'Antoine Tricot pour la série documentaire. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter via l'ordinateur du bureau, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter au bon moment, il y a le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour se parler, c'est sur Twitter et sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire, qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Demain, dernier épisode, échapper à la surveillance. Mais en attendant, restez à l'écoute.